Togo, d'où Iman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 26 octobre 2018. Voici les grands titres de cette édition. Les réactions sont partagées quant à l'absence du gouvernement burundais au cinquième round du dialogue inter-burundais qui continue sans lui à Arusha et qui est le dernier que dirige le facilitateur Benjamin Mkapa, comme il l'a déclaré ce jeudi. Et la réconciliation des peuples touchés par les guerres passe par la bonne gouvernance et dépasse les frontières des pays concernés. Ce sont des analyses qui ont été faites hier lors de la présentation d'un livre sur les défis et opportunités de la réconciliation dans la région des Grands Lacs. Et les radiodiffuseurs ont l'obligation de respecter leurs fréquences pour ne pas se brouiller au risque de s'exposer à des sanctions prévues par la loi. C'est une mise en garde du directeur général de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications à l'endroit des responsables des radios locales. Et dans la chronique environnement à la fin de ce journal, un expert en zoologie nous montrera qu'il est possible de rapatrier la vingtaine de chimpanzés ayant été transférés au Kenya depuis plus de 23 ans, à condition de leur réserver un endroit d'accueil. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par François Akimane. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. L'absence du gouvernement du Burundi au dialogue inter-burundais qui se tient à Arusha ne va pas du tout décourager ceux qui sont présents sur place. C'est l'un d'eux qui est Pancras Chimaye qui indique qu'ils se pencheront sur la mission leur confiée par Mkapa afin de trouver la solution à la crise burundaise. Il jette le tort aux chefs d'État de la sous-région qui n'ont pas pu convaincre Bujumbura de répondre au dernier round des négociations. On l'écoute. Il a ressassé un certain nombre d'efforts qu'il a fournis pour pouvoir amener le gouvernement à la table des négociations. Il a même souligné le fait qu'il voulait démissionner au cours du dernier sommet, mais que le sommet lui avait demandé de convoquer une dernière session. Probablement que le facilitateur avait espéré que les chefs d'État de la région allaient mettre une forte pression sur Bujumbura afin qu'il réponde à cette session. Il a complètement boycotter la session. Donc c'est la déception de la part de la facilitation et c'est évident, c'est clair que les chefs d'État de la sous-région n'ont apporté aucun soutien pour qu'ils puissent participer à cette session. Mais la note positive, c'est qu'aujourd'hui, le facilitateur nous demande, nous, l'opposition, de chercher une solution à la crise burundaise. Je ne doute en ce instant qu'on va trouver une solution à cette crise. De toute façon, une proposition sera faite. Pancras Chimaye, dont les propos ont été recueillis par notre consoeur Francine Ndiokugayo, envoyée spéciale de la rédaction à Arusha. Et l'absence du gouvernement du Burundi au cinquième rang du dialogue inter-burundais constitue une perte pour le gouvernement burundais, même si l'opposition a une part de responsabilité. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, Faustin Ndikumana, président de l'organisation PARSEM, a expliqué que Bujumbura a intérêt à vider les questions en rapport avec la pauvreté et le climat politique malsain. Il considère que le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine a le dernier mot sur le sort des différentes feuilles de route signées. Suivez-le. À qui adresser cette remarque de prise de conscience? C'est à tous les deux partis. Il y a le pouvoir et l'opposition. Certes, même si l'opposition est bigarrée, la bigarrie de l'opposition ne cause rien, l'essentiel c'est qu'ils se retrouvent dans l'opposition. La remarque va directement à tous les deux partis parce que le dialogue qui a commencé en 2015, qui arrive en 2018 sans aboutir à aucune conclusion, c'est vraiment... Très récemment, il y avait une grande partie du sénat qui n'a pas participé. Soi-disant, nous ne participons pas tant que nous ne sommes pas invités comme sénat. Et le gouvernement a répondu. En 2018, on ouvre le cinquième round, l'opposition en exil vient en masse. Et le gouvernement, okay. Au niveau des feuilles de route, il n'y a pas de problème. Les uns ont une feuille de route qu'ils ont élaborée à Entebbe, les autres ont une autre feuille de route. Le dialogue, c'est compiler les deux et avoir une feuille de route finalement consensuelle. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est la logique la plus élémentaire d'ailleurs. Le gouvernement fait faire cavalier, c'est continuer, mais c'est la crise qui se perpétue. Qu'est-ce que nous gagnons avec des institutions qui sont contestées ici et là, où la communauté internationale perpétue les sanctions, où le pays garde l'image d'un pays à risque, qui gagne, qui paye? C'est vous les Burundais. Si la pauvreté vous accable, qui paye? Ce n'est pas la sous-région. Ce n'est pas la sous-région, je regrette. C'est justement les calculs politiciens qui continuent. Qui dit élection chez beaucoup d'hommes politiques, dit poste politique. Il y a les défis liés à la tenue de bonnes élections. Le médiateur est en train de faire son boulot. Il dit, j'ai une feuille de route de Kayanza, j'ai une feuille de route de Kampala, j'essaie de faire une compilation. il va donner le rapport au chef d'État. Ils l'ont mandaté. Attendez alors le sommet des chefs d'État pour dire la crise burundaise, l'échec. On saura ce que les chefs d'État vont décider par rapport à la crise burundaise. Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARCEM, mais pour le président de l'Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès, on est là. Le gouvernement burundais ne va rien perdre vu son absence dans ses pourparlers en cours à Arusha. Gilbert Bekonjangwa explique que ce gouvernement issu des élections est à l'œuvre et appelle plutôt ses politiciens qui se trouvent à Arusha à rentrer au pays pour se préparer aux prochaines échéances électorales au lieu de penser toujours au dialogue. Le gouvernement ne perd rien parce que le peuple qui l'a élu, c'est le peuple qui est au Burundi et qui existe au Burundi. Il n'y a personne qui peut perdre au moment où le gouvernement est en train de protéger son peuple, où le gouvernement est en train de guider son peuple dans le développement, dans la stabilité de la paix, dans la stabilité de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la justice, l'organisation des élections pluralistes et le développement national. Il n'y a aucun problème au niveau du gouvernement. Au contraire, c'est un petit groupe de politiciens qui va souffrir beaucoup parce qu'il n'arrive pas à montrer au peuple burundais ce qu'il préconise pour le développement du Burundi et le développement du peuple. La commission électorale nationale indépendante est déjà mise en place. Je conseille aux Burundais qui sont à l'extérieur du pays de rentrer le plus rapidement possible pour préparer les élections de 2020 et donner aussi leur contribution professionnelle pour que les élections puissent être bien organisées. Aussi, préparer les militants pour qu'ils puissent élire autant opportun. Toutes les parties prenantes doivent maintenant contribuer pour le bien du peuple burundais. Et le gouvernement est là et l'opposition aussi est là, mais les deux doivent vivre ensemble pour le développement du Burundi et du peuple burundais. Gilbert Bekonjangwa, c'est le président de l'Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès ONELOP. Il était au téléphone avec Placide Niyomwongere. Également dans l'actualité, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi déplore le comportement de l'enseignant qui a infligé une punition à un écolier de l'Ekofo Wihanga. C'est en commune Province Gitega jusqu'à ce que mort s'en suive à l'hôpital. Ferdinand Simbaruhije, secrétaire général de cette fédération, demande au ministère de l'Éducation nationale de prendre des mesures efficaces pour éradiquer ce genre de comportement des enseignants. Suivez-le. C'est vraiment qui est difficile à comprendre. Et où un enseignant de la cause de Kofo de Wihanga, un enseignant qui a utilisé une maltraitance physique à son enfant, un petit enfant de 12 ans, parti à mort avec des coups de pied, des bâtonnets, pratiquement l'enfant, partie de la colonne vertébrale de l'enfant. Immédiatement, l'enfant a subi des interventions médicales, mais cela n'a pas donné partie une semaine après, l'enfant est décédé. Vous comprenez que c'est une situation qui est très difficile. On ne peut pas comprendre une telle situation parce qu'il y a une préjudice cela. Quand nous avons cessé à comprendre les raisons qui ont fait que cet enseignant adopte un tel médicatif, nous a dit que l'enfant était parti et il avait oublié d'amener un torchon. Imaginez-vous, sincèrement, une situation où on n'a pas le temps de faire cette c'est de ne pas avoir amené un enfant ou un enfant est bâti à mort. Vous comprenez, c'est vraiment une animosité sans nom à notre avis. Les enfants aussi, ses collègues, parce que en fait, quand les enfants voient son camarade qui vit des maquillages de pareil, vous comprenez que l'enfant, les enfants, ses collègues, perdent vraiment le sens. Nous voulions aussi lancer un sens de la rééducation, de prendre les mesures appropriées pour éradiquer la pratique de punition corporelle à milieu scolaire et de punir les enseignements des enseignants qui passent pour ces mesures. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'Assemblée nationale a voté ce jeudi le projet de loi portant révision de la loi régissant la commission Vérité et Réconciliation CVR. Parmi les nouveautés introduites par ce projet, c'est que la durée de prolongation du mandat de la commission, qui était d'une année dans l'ancienne loi et qui devait être accordée sur demande de la CVR, sera désormais prolongée par un délai déterminé par le Parlement. Charles Makoto a lu le contenu de ce projet de loi. Au chapitre 3 de ce projet de loi, la durée du mandat de la commission est de 4 ans à compter de la prestation de serment des commissaires. La durée du mandat de la commission peut être prolongée pour un délai qui est déterminé par le Parlement. La prolongation se fait par voie législative au plus tard 15 jours avant l'expiration du mandat. L'article 6 de ce même projet de loi dit que les enquêtes visent à établir la vérité si les violations graves des droits de l'homme et du droit international national humanitaire commis durant la période allant du 26 février 1885 au 4 décembre 2008. Dans son alinéa C, la commission a également pour mission de déterminer le rôle du colonisateur dans les violations cycliques qui ont endeuillé le Burundi. L'alinéa F de ce même article 4 montre que la commission a également pour rôle de déterminer le lieu de conservation des restes humains avant leur inhumation en dignité. L'article 24 précise que la commission peut également se faire assister par des experts internationaux ou d'autres personnes d'une renommée internationale en matière d'enquête judiciaire ou dans des domaines connexes jouissant d'une grande autorité morale. L'article 32 précise que la commission recrute autant d'experts nationaux et internationaux que de besoin. Les experts peuvent être permanents ou temporels. Ils doivent être de personnalité jouissant d'une expérience avérée dans le domaine de leur intervention. Le même projet de loi qui a été voté par l'Assemblée nationale ce jeudi précise dans son article 68 qu'à la fin de son mandat, la Commission présente un rapport final au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Sans préjudice des dispositions de l'année précédent, la Commission Vérité et Réconciliation produira également devant le Parlement un rapport d'étape. Charles Makoto, réconcilier les populations touchées par les violences ne devrait pas se limiter dans le pays où ces dernières ont éclaté, mais ça devrait aller au-delà des frontières. C'est ce que dit Patrick Hajayandi. Il est coordinateur des projets du programme africain pour la justice et la reconstruction de la paix dans la région des Grands Lacs. C'était ce jeudi lors de la publication de la présentation d'un livre intitulé « Réconciliation régionale, défis et opportunités dans la région des Grands Lacs ». Aloïse Ibatungwanayo, un des auteurs de cet ouvrage, en même temps représentant légal de l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, AMPC Girubono, dit quant à lui que pour réussir, la réconciliation doit être complétée par une gouvernance efficace. C'est un reportage de Gertrude Mawenayo. Il a été constaté que souvent le processus de réconciliation se limite au seul pays où des violences se sont éclatées, alors que des fois, il arrive que les conflits aillent au-delà des frontières de ce pays, comme le dit Patrick Hajayandi, coordinateur de projet pour la région des Grands Lacs à l'Institut pour la justice et la réconciliation. En même temps, un de ceux qui ont écrit le livre intitulé « Réconciliation régionale, défis et opportunités dans la région des Grands Lacs ». Notre réflexion est de savoir comment est-ce que lorsqu'on pense à la réconciliation chez nous, comment est-ce qu'on peut penser aussi aux autres gens au-delà de la frontière qui ont été affectés par notre conflit pour que cette stabilité ne se limite pas seulement à notre pays mais touche aussi à la région dans toute sa globalité afin que lorsqu'on pense à la stabilité, on pense à cette stabilité au niveau de toute la région. Docteur Jean Bosco Manirambona, historien et anthropologue, demande si la réconciliation elle seule suffit pour stabiliser le pays ou la région affectée par les violences. Ma question est celle-ci. Trouvez-vous que la réconciliation seule suffit pour apaiser la région ou bien, comme vous l'avez dit, c'est l'une des aspects nécessaires pour apaiser la région? Si oui, quels sont les autres aspects qu'il faudrait citer? Aloïse Watungwanayo, un des écrivains de ce livre, en même temps représentant légal de l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, lui répond que la réconciliation seule ne suffit pas si il n'y a pas une politique de gouvernance efficace. Je dirais s'il y a une politique de gouvernance efficace, parce que je ne peux pas me réconcilier d'abord avec l'autre alors qu'elle est bien et que moi je reste malheureux. Donc là, la réconciliation ne peut pas venir facilement. Patrick Hajayandi ajoute qu'elle est ambitieuse et que cet ouvrage soit une base de réflexion en matière de réconciliation. Ce livre, qui a été publié ce jeudi, est un travail collectif des ressortissants de trois pays, dont le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Gertrude Mawenayo. Les radiodiffuseurs sont appelés à utiliser leurs fréquences pour ne pas brouiller d'autres. L'appel est du directeur général de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, ARCT, lors d'une rencontre ce vendredi avec les directeurs des radios sur les résultats de la collecte des données effectuée au mois d'août de cette année. Dona Siemanilam a fait savoir que lors de leur descente, le constat a été un manque de signal de la plupart des radiodiffuseurs dans plusieurs coins du pays. Suivez-le. La descente que l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications a effectuée au niveau de tout le pays afin de s'assurer de l'état des lieux de la couverture de la radiodiffusion sonore dans notre pays. Nous avons fait un constat que dans plusieurs localités du pays, nous avons observé qu'il y a un manque de signal de la plupart des radios émettant depuis notre territoire, échanger et partager les résultats de notre descente et pouvoir discuter avec les opérateurs de radiodiffusion sonore afin qu'ils puissent améliorer la couverture de la radiodiffusion sonore. Nous allons les sensibiliser à pouvoir renouveler leurs émetteurs afin qu'ils puissent émettre sur l'ensemble de tout le territoire national. Et puis, nous allons sensibiliser les radiodiffusions sonores de pouvoir utiliser correctement le spectre de fréquence qui leur a été assigné afin d'éviter des interférences entre les stations de radio et puis améliorer la couverture au niveau du territoire national. Des sanctions sont prévues pour des stations qui ne respectent pas les normes, surtout par exemple pour des stations qui utilisent des fréquences qui ne sont pas les leurs, qui peuvent brouiller les autres. Il y a des sanctions qui sont prévues. Et aussi pour des stations qui émettent avec des puissances supérieures aux puissances qui leur ont été assignées, il y a des sanctions aussi qui sont prévues. Et Idi Jafar, directeur de la radio Bena, émettant depuis la ville de Routana, dit que cette restitution est bénéfique car, dit-il, elle permet de faire une autocritique. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. C'est une présentation qui a été vraiment très bénéfique. Je dirais que même là, c'était nous a devancé. C'était nous-mêmes à commencer à faire cette étude autocritique pour voir est-ce que nous avions la possibilité d'atteindre de telles localités. Est-ce que nous sommes en mesure d'y atteindre? Alors là, c'était à faire un très beau travail. Même ma radio a été touchée. J'ai entendu dans quelle localité je suis bien reçu, dans quelle localité je ne suis pas reçu, dans quelle localité je suis reçu, mais avec un mauvais signal. Alors là, c'est pas parmi les bénéfices de cette étude, alors nous allons faire tout moyen possible pour que nous soyons à mesure de couvrir les localités qui nous ont été données par l'ACT, qui nous ont été acceptées par le CNC. Alors dans ce cas, nous dirons que cette étude est vraiment très bénéfique pour nous, les radiodiffuseurs au Burundi. Si je dis que nous allons nous préparer afin que nous puissions arriver où nous devons arriver pour nos émissions, ce n'est pas nous préparer en augmentant les puissances qui ne nous ont pas été données par l'ARCT, le titre de régulation. Non, mais quand on dit augmentation de la puissance, il faut aussi voir la puissance des équipements que vous avez. Et certains habitants du quartier 6 en zone Ngagara s'inquiètent pour leur santé parce qu'ils peuvent attraper les maladies des mains sales suite aux dépotoirs éparpillés tout près des ménages dans cette localité. Certaines associations qui s'occupaient de l'hygiène dans ce quartier ne sont plus fonctionnelles. Ces habitants d'Ngagara demandent aux autorités locales d'obliger ces associations à reprendre leurs activités. Vestine Boutoui, reportage. Dans ce quartier, tout près de la route venant d'Irompo et de la gare du Nord, menant à l'hémicycle de Kigobe, s'observent des tas d'immondices faits des sachets, des bouteilles en caoutchouc, des thermos usés et des restes de la nourriture. Un des habitants de cette localité dit que ces immondices résultent du non-fonctionnement de certaines associations s'occupant d'hygiène dans cet endroit. Il explique que la situation s'aggrave de plus en plus car les personnes environnantes de cette localité cherchent, coûte que coûte, comment se débarrasser des déchets se trouvant dans leur ménage. Il y a des sociétés qui transportaient ces déchets, mais maintenant, il y a à peu près un mois ou deux mois, nous ne voyons plus ces sociétés et les habitants ont tendance à déposer ces déchets à côté des ménages. Il ajoute que la puanteur règne dans ces ménages proches de cet état d'immondice et qu'ils ne voient pas quoi faire pour s'éloigner de la situation. Il indique également qu'ils craignent pour leur santé suite aux maladies des mains sales qui pourraient surgir. Il y a des maladies comme nous le savons, des maladies dû au manque de la propriété ou d'hygiène. Il y a des maladies comme le choléra, des diarrhées, surtout les enfants qui ne sont pas encore mûrs, qui ne savent pas se laver avant de manger ou bien quoi. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème le plus tôt possible ou bien, en attendant, de faire le service minimum en aménageant des dépotoirs provisoires qui vont les aider. Radio Isanganiro, chronique environnement. Environ 20 chimpanzés viennent de passer plus de 23 ans au Kenya. Ils ont été transférés durant la période de crise de 1993 en raison de l'insécurité liée à la guerre civile qui sévissait à l'époque au Burundi. Un expert en zoologie explique que ce patrimoine burundais devrait revenir au pays et cela pourrait même aider dans le tourisme. Toutefois, Gaspard Nakimazi dit qu'il serait mieux d'aménager un parc ou un endroit d'accueil pour ces primates. La chronique environnement est signée Christella Nizigama. Ces chimpanzés étaient assemblés dans une parcelle tout près du département de pêche situé sur la route Bujumbura-Gatumba, explique l'expert en zoologie, professeur Gaspard Nakimazi. Ces chimpanzés, je les ai vus. Ils étaient autour d'une dizaine à l'époque, en 93-94. On était dans une période difficile de crise. Donc j'étais donc dans une des parcelles ici à Bujumbura. Vous voyez là, sur la route vers Uvira, là, à la hauteur du département des eaux pêche et pisciculture. Mais c'était en fait une sorte de refuge où on collectait des chimpanzés qui avaient été récupérés dans des maisons par-ci par-là chez les gens. Ils étaient enfermés dans des cages, ils étaient très mal en point, ils étaient malades, ils étaient vieux, d'autres vraiment déprimés. Il y avait là une association, je ne sais plus laquelle, c'était eux qui s'est en train d'essayer de les restaurer, d'abord psychiquement, même de la santé, là, avant de voir la possibilité un jour de les retourner dans leur milieu naturel. Après plus de 20 ans passés au Kenya, ces chimpanzés se seraient multipliés car une femelle peut avoir des petits tous les 3 à 4 ans. Les chimpanzés, ils vivent généralement en famille élargie. Alors une famille élargie, elle est souvent sur le couple d'un mâle dominant. Un mâle dominant peut donc avoir entre 10 jusqu'à même à une trentaine de membres. Et une femelle peut avoir son premier petit autour de 9-10 ans. Et peut vivre jusqu'à entre 30 et 40 ans, présent tous les 3-4 ans, un peu comme les humains. Au Burundi, les singes et les chimpanzés vivent dans les forêts, loin du regard des hommes, contrairement dans les pays de la communauté est-africaine où les touristes viennent visiter les parcs au regard de ces animaux. Cet expert dit que les singes et les chimpanzés sont menacés au Burundi. Quand on voit dans un parc ici chez nous, là, la seule façon de voir un animal sauvage, notamment les grands, là, il faut vraiment avoir de bonnes jumelles pour voir au-delà de 400, même 500 mètres. Dans d'autres pays où les touristes sont habitués à aller voir les animaux, là, un chimpanzé, il vient même vous demander des choses entre les mains. Ici, il ne va pas le faire. Parce que la distance entre le touriste et l'animal, c'est là qui indique la confiance qui règne ou non entre l'homme et ces animaux-là. Et cette confiance, on ne l'a pas au Burundi, pas encore. Parce que ces animaux, ils savent d'expérience. Ils ont été tués, ils ont été piégés, ils ont été chassés. Professeur Gaspard Nakimazi dit qu'il faudrait d'abord revoir la convention signée entre les deux pays, puis les conditions de protection de ces animaux au Burundi. Il faut avoir le détail de la convention qu'il y a eu entre l'association qui a aidé ces chimpanzés à fuir le Burundi. Il y a sûrement des clauses pour savoir comment ils allaient revenir. Je suppose qu'effectivement, il était prévu que l'État burundais puisse les demander à les récupérer. En tout cas, moi, si j'étais responsable de ces singes, d'accord, ça peut avoir généré quelques revenus, notamment sous forme de touristes. Alors, je suppose que si l'État veut récupérer ces singes, il va d'abord prévoir notamment les conditions d'accueil, de protection, de gardiennage, d'alimentation, et ainsi de suite. Alors, qui doit le faire? C'est le BPE, la perte pour le Burundi, c'est évident, parce que nous sommes en Afrique de l'Est. Il y a le Tanzanie, Kenya, Ouganda, c'est donc des pays, déjà le tourisme marche assez bien. Je ne parle même pas du Rwanda, où maintenant, nous a annoncé que maintenant, le revenu national du tourisme dépasse maintenant celui de l'agriculture. Au Burundi, il y a plus de 5 sortes de primates, dont les chimpanzés, les cercopithèques à diadème, les cercopithèques verts ou grivés, les colobes, les babouins et les poteaux. Christella Nizigama, c'est sur cette chronique environnement que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Je lui dis merci. Jean Bosco Ndouimana au micro. Passez un bon après-midi.